Chapitre 5e. Pardonner n'est pas oublier. Dès le lendemain, Maurice alla chez Elisabeth. Il voulait s'expliquer avec elle sur ses confidences à Armande. « Ma femme est sortie, » dit Cabu, qui travaillait à un petit tableau de chevalet et qui, pour se représenter à lui-même la neige dont il couvrait son paysage, avait étendu sur le parquet des draps et des serviettes. « Elle est à l'église. Mais je suis bien aise de vous voir. Je serais même allé chez vous si j'avais espéré vous trouver seul. Qu'y a-t-il donc ?»« Il y a, mon cher, » continua Cabu, visiblement mal à son aise, « que ma femme sait que vous avez une maîtresse. Eh bien, qu'est-ce que ça lui fait ?»« Mais ça lui fait beaucoup, ça la peine. Et plus qu'elle ne le dit même, je m'en suis bien aperçu. Et puis, vous comprenez, elle est obligée dans ses relations à beaucoup de... dans sa position. Que diable, si, pourquoi prenez-vous une femme de théâtre ?»« Aimait-elle mieux que je prisse une dévote ?»« Au moins, mon cher, vos aventures n'eussent pas été connues de tout Paris. » Tandis que vous allez être bientôt compromis, et même compromettant. C'est ce que ma femme m'a chargé de vous faire sentir, et moi je vous le dis avec franchise. Ma femme verra toujours Madame Berthaud avec plaisir. Mon cher, répondit Maurice, lorsque ce discours entortillé fut arrivé à sa conclusion, je ne serai pas moins franc que vous. Je comprends la sévérité des principes de Madame Cabu, et puisque nos relations doivent changer de nature, je désire qu'elles soient entièrement rompues. Ah, mon Dieu, vous vous fâchez! Comprenez donc, appréciez donc les raisons de ma femme. Je ne me fâche point. Seulement, Madame Cabu, dans les meilleures intentions, j'en suis certain, a cru devoir parler de ma maîtresse à ma femme. Demain, elle pourrait trouver encore dans ma conduite quelque chose qui la scandaliserait, et toujours, en vue de mon bien, renouveler ses confidences. C'est pour éviter cela que je demande une rupture que je n'aurais point cherchée, mais que j'accepte, puisqu'elle vient de vous. Cabu n'avait plus l'habitude de jurer, mais son émotion fut plus forte que sa réserve. Il s'avança vers Maurice, rouge, comme s'il allait éclater, puis, après quelques minutes d'hésitation, « Sacrebleu, ne nous quittons point ainsi. Une poignée de main, sacristie, les femmes sont des diables. » « Pas la vôtre, toujours. Elle n'est que trop sainte. Voilà le mal. Vous avez raison, mais il faut lui passer ça. » Après tout, ce n'est pas à un mari de se plaindre des principes de sa femme. Maurice revint chez lui en riant tout seul. « Je t'ai débarrassé de Madame Cabu, » dit-il à Armande. « Elle eut mis la guerre entre nous. » Il resta auprès d'elle toute la journée, et naturellement, il se montra parfait de tendresse et de soin. Après le dîner, il allait s'installer auprès du feu, pour y passer tranquillement la soirée comme autrefois à lire et à causer, lorsqu'Armande lui retira le journal des mains. « Ne lis donc pas, » lui dit-elle. « Va te promener un peu. » Il voulut refuser. « Va donc prendre l'air, » dit-elle. « Je ne veux pas te tenir en esclavage. » Comme il s'en défendait. « N'ai-je pas ta parole ? » continua-t-elle. « J'ai confiance. » Une demi-heure après, il entrait à l'opéra. Il était parfaitement heureux d'être débarrassé de Lina, content de lui-même, enchanté de sa femme. Le premier acte de Lucie venait de finir. Dans le couloir de l'orchestre, il aperçut Liénard qu'il voulut éviter. Mais celui-ci l'avait vu. « Parbleu, dit-il, c'est une heureuse rencontre. J'allais t'écrire. J'ai du nouveau pour Imogène. » « Eh bien, on la refuse décidément. Mais par respect pour tes patronneurs, ou par crainte d'eux, on te commande la musique d'un ballet en un acte. « Qu'ils aillent au diable avec leur ballet !» s'écria Maurice. « Ah, mon cher, le chemin des compositeurs n'est pas planté de roses. Ou dans tous les cas, les roses n'y fleurissent que quand on a brisé toutes les épines en se traînant à genoux. C'est bon. » Puisqu'on ne veut pas de moi en France, j'irai en Allemagne, en Italie, quelque part où l'on aime la musique. Pourquoi ne fais-tu pas une révolution pour devenir commissaire du gouvernement auprès des théâtres? Ce serait plus simple et plus pratique. Est-ce qu'en Allemagne ou en Italie, le titre d'étranger n'est pas une exclusion au lieu d'être une recommandation comme chez nous? Non, viens un peu sur le boulevard, j'ai quelque chose de plus sérieux à te proposer. Ils sortirent. S'il est quelqu'un à Paris qui sache à fond ce qu'un compositeur peut avoir à craindre ou à espérer pour arriver au théâtre, c'est moi, n'est-ce pas ? Commença Liénard. Eh bien, il est incontestable que pour un débutant, il n'y a que deux routes ouvertes. L'une dans laquelle se jettent les malins, l'autre que prennent les résignés. Les malins, après avoir vu les difficultés qui empêchent le talent d'éclore s'il n'est chauffé par les courtisaneries, les manèges, les réclames, les roueries, au lieu de mettre ce qu'ils ont de force au service de l'art, le donne à dévorer à l'intrigue. Les imiteras-tu? Te feras-tu le courtisan de ce canon ou influence, le valet d'un tas d'imbéciles prétentieux, l'amant de vieilles grandes dames ou le bouffon de jeunes petites dames qui pourront te pousser? Laisseras-tu caresser ta femme par des protecteurs qui te voudront du bien? Si tu ne réussis point par l'intrigue, recourras-tu à la pitié? Te suicideras-tu à moitié pour exciter la sympathie? Iras-tu t'enfermer pendant 6 mois dans un couvent ou dans une maison de fous pour faire mettre ton nom dans les journaux? Te promèneras-tu sur le boulevard avec un chien Tinrembert pour te singulariser? Toutes ces banques, qui ont été employées par plus d'un de tes confrères, te font mal au cœur. Beaucoup, interrompit Maurice. Tu aimeras mieux suivre les résignés, continua Liénard. Pour cela, c'est une autre affaire. S'ils n'ont point de honte à avaler, ils n'ont pas de pain non plus. Je sais bien que la question du pain n'existe pas pour toi, mais le pain n'est pas tout. C'est tout, au contraire, dit Maurice. Tu crois ça, dit Liénard. Vivre chez soi, ne serrer la main que de ses amis, se sentir honnête, travailler à son heure, mépriser ce qui est méprisable, applaudir ce qui est bon, ne flatter personne, attendre la critique au lieu de la mendier, élever à la fois son caractère et son talent, avoir chaque soir l'approbation de sa conscience, tout ça c'est très beau. Et à ce prix, tout le monde serait dérésigné. Seulement, il ne faut pas encore se laisser aigrir par la colère, quand on doit prendre sa place par des gens sans talent et sans honneur. Il faut que la rage du succès ne vous fasse pas couper à moitié route, par les sentiers bourbeux, pour rejoindre les intrigants. Il faut se résister à soi-même, résister à ses amis, surtout à ses ennemis. Il faut se résigner à travailler chaque jour, pour n'arriver peut-être jamais à la couronne du lustre, ou, dans tous les cas, n'y arriver qu'à 50 ou 60 ans. Il faut savoir attendre, avoir la force de ne pas se décourager, l'adresse de ne pas mourir d'impatience. Il faut enfin rester honnête jusqu'au bout et ne pas finir exaspéré, comme ont commencé ceux qui vous ont passé sur le corps. Sauras-tu ce martyr? Comme tous les débutants, tu as ta première œuvre qui te brûle et tu ne veux pas la perdre. Écoute ce que j'ai à te proposer, et ce miracle sera peut-être réalisable. » Il lui prit le bras et ralentit le pas. Ils avaient gagné la Madeleine, et à peine s'ils rencontraient quelques rares promeneurs. « Puisqu'ils ne veulent pas chanter ta musique, reprit-il, fais-les chanter, toi. Au lieu de les craindre, rends-toi redoutable. Quand ils auront besoin de toi, tu seras leur maître. » « À quelqu'un qui n'a pas de pain, tu conseilles la brioche. »« Parfaitement. Et je la donne, ou plus justement, je la vends. Veux-tu ma part dans la propriété et la rédaction de mon journal ?» Maurice ne répondit point. « Tu ne dis rien. » Je me demande si l'influence de ton journal est aussi grande que tu crois. Ce n'est pas le journal, c'est le journaliste qui peut devenir tout puissant. Le journal n'enfoncera pas les portes des directeurs, mais il pourra te gagner des gens qui les enfonceront pour toi, et t'enlèveront toi et tes œuvres du bas-fond où vous pourrissez. Pour cela, la recette est simple. Jeter de la boue et du fiel sur ceux qui peuvent nuire, au nez de ceux qui peuvent servir, brûler de l'encens, dire des uns tout le mal que tu penses, des autres tout le bien qu'ils pensent d'eux-mêmes. Tu ne sais pas jusqu'où l'on peut arriver par ce moyen. Et pour mise de fond, quoi? Rien qu'un peu de tact? Et pas de principe, surtout. Parlons la même langue, pas de grands mots. Tu es dans un cloaque. Si tu veux en sortir, n'aie pas peur de te crotter un peu. Quand on veut des pêches au mois de mai, on y met le prix. Si tu vas arriver vite, jette-toi à l'eau avant d'attendre qu'on construise un pont sur lequel vous vous écraserez, tes rivaux et toi. Le soleil de la rampe te séchera. Et si tu attrapes des taches, elles ne paraîtront pas le soir. Crois-tu qu'il n'y a pas assez de bons hommes qui voient un sacerdoce dans la critique et s'amusent à proclamer toutes les semaines la vérité, ou au moins leur opinion sur la vérité, ce qui est tout un, qui étudie l'art et ses tendances, cherche ce qui est beau, combattent ce qui est faux? Ta partie n'est pas indispensable dans ce concert, puisque précisément tu veux donner toi-même la musique sur laquelle se brodent ces variations plus ou moins inutiles. Pour en arriver là, chatouille plutôt des barbes de ta plume ceux qui peuvent te pousser. N'écris pas une ligne qui ne soit à longue portée, et que chacun de tes articles soit une semence confiée à l'avenir en vue de récolter plus tard. C'est ainsi, mon cher, que s'exploite en bon père de famille le champ productif de la critique. Et cela ne nous empêche pas de parler de conscience, de devoir, d'idéal, de sincérité, de fermeté, de désintéressement, et de se donner même quelquefois le plaisir de l'indépendance, quand il ne s'agit ni d'un rival ni d'un ami. Combien les conseils ? Dit Maurice. « Rien, répliqua Liénard, et je me tais, je ne veux pas t'influencer. Je te vends ma part 100 000 francs. Parce que tu n'auras autorité sur ceux de qui tu parleras que si tu es propriétaire. Mais tu ne m'en payeras que la moitié tout de suite. Ton grand-père est riche, il t'avancera bien l'argent nécessaire. Dis-lui, ce qui est vrai, que ce sera un bon placement. Il touchera de beaux intérêts, et toi tu toucheras ce dividende qu'on appelle le succès. Consulte les gens d'affaires, tu verras que ce que je te propose vaut le prix que je t'en demande. » Les idées de Liénard fermentèrent dans la tête de Maurice. Sans aucun doute, elles avaient du bon. Dans cette proposition si pleine de choses, il n'éclaira que celles qui lui plaisaient de voir. Il les fit tournoyer à ses yeux jusqu'à s'en donner le vertige. Il n'était point homme à opposer la réflexion à l'enthousiasme, et pour lui, les meilleures raisons étaient celles qu'il se donnait lui-même, car celles-là il les tenait en si grande estime qu'il ne les exposait jamais à la contradiction. Décider Armande, toujours disposée à accepter avec superstition tout ce qui venait de lui, fut facile, et le lendemain, ils écrivirent l'un et l'autre à M. Michon. Maurice pour lui exposer la combinaison de Liénard avec les avantages et les garanties qu'elle offrait, Armande pour toucher la question difficile de la coopération financière. D'ordinaire, elle était avec son grand-père discrète et réservée pour tout ce qui sentait l'argent, mais cette fois elle n'hésita point à se montrer pressante, à parler la langue qu'elle savait irrésistible, à s'adresser aux sentiments qu'elle était certaine d'émouvoir. Maurice l'avait convaincue, et mieux encore, elle s'était convaincue elle-même. Qu'il eût un journal, il serait forcé de travailler, et il échapperait l'ennui qui l'avait égaré. Car, pour elle, pour sa pureté et sa naïve ignorance, l'ennui était, l'ennui seul, pouvait être le vrai coupable. Décidé à rompre, Maurice avait écrit à Lina. Mais au lieu d'un mot net et ferme, il lui avait envoyé une lettre indécise et entortillée. Au bout de quelques jours, un peu honteux de cette ambiguïté de conduite, il se dit qu'il était de sa dignité d'agir franchement, et qu'il lui devait à elle l'explication loyale de son abandon. Mais comme une nouvelle lettre lui paraissait plus difficile que la première, il se résolut à une visite. Après tout, elle n'avait rien fait pour qu'il fût à son égard cruel et grossier. Il se décida donc à aller chez elle. « Ah, monsieur !» s'écria Madame Amédée en lui ouvrant la porte. « Dans quel état vous avez mis, madame ?» Où est-elle ? Dans sa chambre. Il poussa la porte. Sur une petite table où se trouvaient des bouteilles et des verres à liqueur, Lina était accoudée. En face d'elle, Madame Jourdeuil disposait des paquets de cartes. Lorsqu'elle le vit, elle se mit à chanter « Bel enfant échappé de sa cage !» Puis, comme il s'avançait vers elle, « Ne trouble pas la réussite » s'écria-t-elle. « Il y a des cigares dans le salon et des pipes dans la salle à manger. Ça te fera attendre. » « Vous dites donc, un blond ?»« Oui, ma petite, un homme du Nord. » Maurice fit quelques pas pour s'en aller, mais il ne partit point. Pendant un quart d'heure, il lui fallut écouter la magie de Madame Jourdeuil. Enfin, celle-ci se leva pour partir. « Promettez que j'irai, » dit Lina. Lorsqu'ils furent seuls, elle vint vivement se camper devant lui, et avant qu'il lui pût dire un seul mot, « Voyons, » s'écria-t-elle d'une voix un peu tremblante, où il paraissait y avoir de la tristesse et de la colère. « Que viens-tu faire ici ? Tu penses que j'ai compris ta lettre, n'est-ce pas ? Puisque tu n'as pas eu le courage de m'annoncer la rupture que tu cherchais, pourquoi viens-tu aujourd'hui ? Pour voir mon chagrin ? Eh bien, régale-toi. » Elle se baissa jusque contre son visage et lui darda dans les yeux un regard brûlant. Puis, se redressant aussitôt, elle alla au piano, frappa brutalement 2 ou 3 accords et se mit à chanter « On s'en consolera, j'en délira. » Revenant alors à Maurice, qui restait sur sa chaise, abasourdi de cette explosion, elle reprit. « Madame a pleuré, l'enfant a pleuré, monsieur a eu naturellement son attaque de remords, et comme il n'a pas le courage de ses lâchetés, il a écrit. « Puisque tu aimes tant le pot-au-feu, pourquoi l'as-tu quitté ? Il fallait rester chez vous, mon bonhomme. Tu aurais fait sécher les couches de ta fille pendant toute la semaine, et le dimanche tu aurais promené ta famille au Louvre. Oh, les bonnes têtes ! Seulement, je ne crois pas que tu sois jamais fameux dans les pères nobles. Lina ! Eh bien quoi ? Tu as pitié de ta femme. Pourquoi n'as-tu pas pitié de moi ? Marche, machine à plaisir, et ne te plains point. Tant pis, je me plains. Je me plains parce que je t'aimais. Mon amour, il me semble, mérite aussi bien la pitié que celui de ta femme. Plus même, car je n'ai pas d'enfant, moi, je n'ai pas de famille, je n'ai personne pour me consoler. Si tu m'abandonnes, c'est comme si tu me livrais au général Pavé. Et tu pouvais me tirer de mon bon billet, cependant, faire de moi une actrice, quelqu'un, me donner du talent. Tu as donc été aveugle de ne pas voir avec quelle reconnaissance je t'aimais. Tu étais mon père, ma mère. Je me sentais honnête femme et tout ça à l'eau, à l'égout. » Elle avait commencé à parler avec colère. Elle prononça ces derniers mots en pleurant. Pour Maurice, Lina était une de ces femmes qui ont le rouge du vice sur la figure et dans l'âme la blancheur de l'innocence. Lina, qui s'était rapidement essuyé les yeux, reprit. « Que c'est bête de pleurer, et que j'étais folle d'avoir ces idées-là. Est-ce que tu es née pour te faire le rétameur de vertus usées qui n'ont plus que du vert de gris? Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout simplement « Je ne veux pas abandonner ma femme plus longtemps. Je ne serai plus ton amant, mais je serai toujours ton ami. Je méritais bien ça, et je t'aurais compris. » Si je venais te le dire aujourd'hui. » Elle le regarda un moment, puis tout à coup, éclatant de rire. « Toi, » dit-elle, « n'avoir plus de maîtresse, allons donc. Il faudrait pour cela que tu eusses une femme vierge dans ton salon et diable dans ta chambre. La tienne sera vierge toute sa vie et partout. Non, vois-tu, tu es dans ton espèce que je suis dans la mienne. Il te faudra toujours des passions et des plaisirs, c'est dans ton sang. Tu me dirais, je retourne à ma femme, je te répondrai, ce n'est pas pour longtemps. Voyons, tout ça, c'est des paroles. Il n'y en a qu'une, dut-il à dire. As-tu une maîtresse? Réponds franchement, c'est la seule grâce que je te demande, non. Non, mon bon chéri, alors pourquoi m'as-tu écrit? Tiens, oublions tout. » Elle lui prit la tête à deux mains, l'embrassa pleine lèvres et s'assit sur ses genoux. Il voulut faire un dernier effort. « Monsieur est fier ? » dit-elle. « À son aise. » Elle se leva, mais presque aussitôt elle revint en face de lui. « Pas de bêtises, j'ai un moyen qui tranche tout. » Elle courut à un petit bureau en bois de rose, et ayant rapidement écrit quelques lignes, elle l'étendit à Maurice et lui dit « Voici une lettre, lis-la. Si tu m'aimes encore, mets-la à la poste. Si tu ne m'aimes plus, mets-la au feu. Ma vie est entre tes mains. Il me plaît qu'elle dépende de toi. » Maurice prit la lettre et lut ce qui suit. « Nous ne nous reverrons plus, Milord. Je ne veux pas vous tromper. J'aime un homme à qui je sacrifierai ma vie. Ne m'en veuillez pas si je vous sacrifie à lui. Le voyage que vous m'aviez proposé ne peut plus se réaliser. Renoncez au pays des mille et une nuits, où vous me vouliez pour guide, comme je dis adieu aux mines d'or de l'Australie, où vous voulez me conduire. Votre servante, Lina. » Lina, qui le regardait en suivant attentivement tous ses mouvements, s'avança vers lui. « Tu m'aimes ? » s'écria-t-elle. « Cette lettre, » dit-il. « J'ai voulu t'oublier, je n'ai pas pu. Tu ne pourrais pas davantage m'oublier. Nous sommes bien liés l'un à l'autre. » Maurice plia la lettre et la mit dans une enveloppe. « L'adresse, » dit-il. Lina lui présenta une carte sur laquelle on lisait « Comte Warminster, Hôtel Maurice. » 8 jours après avoir écrit à son grand-père pour lui expliquer la demande d'argent de Maurice et ses combinaisons industrielles, Armande reçut la réponse qui lui était personnellement adressée. Sous l'enveloppe qui était lourde se trouvaient quelques titres et une lettre ainsi conçue. « Tu sais, ma chère fille, quelles raisons m'ont empêché de vous donner pour dot un capital. Tu sais aussi que j'ai peu de foi dans les affaires organisées par les artistes. Mais tu es maintenant une personne de tête et de raison, dans le jugement de laquelle j'ai pleine confiance. Ce que tu me proposes, tu l'as vu par toi-même, je l'accepte donc. Je lisais l'autre jour dans mon Montaigne, car depuis que l'abbé est à Rennes et que M. le Tréfléant est au Brésil, la lecture est ma grande occupation. Je lisais donc que si nous voulions être aimés de nos enfants, et en même temps leur ôter l'occasion de souhaiter notre mort, nous devions accommoder leur vie raisonnablement de ce qui est en notre puissance. Et je me disais, pensant à vous, que le moraliste avait raison, et que j'étais coupable de ne pas faire mieux et plus. Voilà que tu m'offres l'occasion de réparer ma faute, et j'en profite. Je sais que vous êtes l'un et l'autre de trop dignes enfants pour avoir la pensée dont parle Montaigne. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il est mauvais et corrupteur pour les plus purs et les plus affectionnés d'attendre un héritage dans le besoin. À l'âge que j'ai atteint, les plaisirs d'aucune sorte, ceux du cœur et de la conscience exceptés, ne me sont plus rien. Tandis qu'au vôtre, et dans la position où vous êtes, ils sont de grande importance et presque la vie. J'entends les plaisirs que donne l'ambition satisfaite, la position conquise, les justes désirs contentés, ceux en un mot auxquels vous aspirez et dont vous êtes privé. Il ne faut point que cette privation dure plus longtemps par le fait de votre vieux grand-père, qui vous a marié pour que vous soyez heureux. Il ne faut pas que je continue à jouir comme un égoïste d'un bien qui, d'ici peu, sera à vous. Il ne faut pas que vous passiez vos belles années dans l'attente et la gêne, tandis que je passe mes dernières dans une abondance dont je n'ai que faire. Telles que sont aujourd'hui nos conditions réciproques, retrancher de mon nécessaire pour ajouter au vôtre serait encore de mon devoir. Par bonheur, mes enfants, nous n'en sommes point là. Tu trouveras sous ce pli, premièrement, 3 inscriptions de rente s'élevant à 100 000 francs, deuxièmement, une procuration pour que ton mari en fasse opérer la vente. Dis-lui que les garanties dont il m'a parlé dans sa lettre sont inutiles pour moi. Je ne veux point faire un placement que d'ailleurs je ne ferai point dans une affaire de journalisme. Cet argent, je te le donne à toi, personnellement, ma chère fille, entendant que tu en puisses disposer selon ta volonté. Pense seulement que tu as une fille. C'est la seule recommandation que j'adresse à ta solide petite tête, qui ferait bien de se tenir en garde contre son camarade le cœur, lequel me paraît trop grossi d'amour et de bonté. À ce sujet, promets-moi de consulter notre notaire pour qu'il mette tout en règle. Je crains bien que les nouvelles occupations de Maurice ne le retiennent désormais à Paris une grande partie de l'été, mais elles ne l'empêcheront pas, j'espère, de venir bientôt tenir un peu compagnie à ton grand-père qui t'aime et t'embrasse de tout son cœur. D. Michon. L'affaire du journal se fit aussitôt, seulement avec d'importantes modifications dans les termes projetés. En apparence, Maurice versa à Liénard les 100 000 francs demandés. En réalité, il ne paya que 75 000 francs. Il avait des dettes pressantes. Il avait en même temps besoin d'argent courant. Les 25 000 francs trouvèrent là un emploi. Liénard voulut bien, pour le restant de son prix, se contenter de lettres de change qu'il promit de renouveler s'il n'était point acquitté aux échéances. Naturellement, Armande ignora tous ces tripotages d'argent. Et elle put croire qu'en jetant son mari dans le travail, elle s'était assurée pour elle-même un avenir de sécurité. Mais pour elle, la sécurité n'était plus possible. Le jour où Elisabeth lui avait donné ses leçons, l'inquiétude était entrée dans son esprit. Le jour où Maurice avait avoué son infidélité, le doute était tombé dans son cœur. Pour elle, étaient à jamais passées les heures où elle pouvait attendre que son mari rentrât, tranquille dans sa foi, impatiente seulement de le voir revenir. Le soupçon avait implanté en elle ses vivaces racines. Rien désormais ne l'arracherait. Sous une caresse, ses épines pouvaient ployer, elle ne se brisait point et se redressait aussitôt. Elle n'avait plus la confiance et elle était jalouse. Au premier jour de leur mariage, elle avait pris l'habitude de demander à Maurice où il était allé, qui l'avait vu, ce qu'il avait fait dans sa journée, et à ses interrogatoires dictés par un tendre intérêt, celui-ci avait toujours répondu. Mais lorsqu'à la tendresse joignit la défiance, il s'irrita, et d'autant plus fortement que c'était par de laborieux mensonges qu'il devait maintenant répondre, non comme autrefois par la simple et facile vérité. Il est des femmes qui, entièrement livrées à leur passion, peuvent vivre de cette vie de mensonges, s'émouvoir avec une certaine liberté, et inventer chaque jour des tromperies plus vraisemblables que la vérité toute bête. Les hommes sont maladroits et faibles pour ce pénible labeur. Maurice ne tarda pas à s'empêtrer dans ses histoires. Pris en défaut, fâché contre lui-même, exaspéré contre sa femme, il déclara net qu'il était maître d'aller où bon lui semblait et qu'il n'en devait compte à personne. Malgré cet avertissement, Armand ne put s'arrêter dans ce chemin où la jalousie la poussait à grands coups. Et au lieu de l'interroger franchement, elle chercha à le prendre en défaut. Un soir qu'il était rentré avant elle, le plus naturellement qu'elle put, elle lui demanda depuis combien de temps il était revenu. « Depuis 1 heure, » dit-il. « Ah, » dit-elle, « pourquoi me trompes-tu? Les vêtements que tu as défaits sont encore chauds. » Il haussa les épaules, lui tourna le dos et ne répondit pas un mot. Quelques jours après, il causait. Il était sans défiance, elle, comme toujours, sous le pression de la même idée. « Tu n'as été qu'au journal ?» dit-elle. « Oui. Par où ? Par les Champs-Élysées et la rue de Rivoli. Tu y es resté toute la journée ? Oui. Tu es revenu par le même chemin ? Oui, monsieur le juge d'instruction, » dit-il en riant. « Regarde ces petites taches de beau rouge, » dit-elle en désignant ses bottes. « Ce n'est pas sur le chemin du journal, dans les Champs-Élysées ou la rue de Rivoli qu'on rencontre du macadam de cette couleur. » « Ma pauvre Armande, » dit-il tristement, « tu nous prépares à tous deux une vie infernale. Quelle sera la fin de tout ceci ? Pour mon compte, je ne répondrai plus à une seule de tes questions. » Sans ajouter un mot, il prit son chapeau, alla dîner chez Lina et ne rentra que fort tard dans la nuit. Qu'il eût daigné se défendre, qu'il eût donné une excuse bonne ou mauvaise, elle eût sans doute trouvé quelque chose pour se rassurer. Ce système de froideur et de dédain l'exaspéra, car au fond du cœur, elle se sentait aussi sûrement trompée que si de ses propres yeux elle eût suivi Maurice. Ce fut alors qu'à l'inquiétude qui la tourmentait s'ajouta le besoin de la certitude, et qu'elle en vint à cette cruelle période de la jalousie où à l'obscurité l'on préfère la lumière, même lorsqu'inévitablement elle doit provoquer l'explosion. Il lui semblait que savoir précisément et en détail comment et pour qui elle était trompée lui serait un soulagement. Dans les mille petites choses de la vie intime, elle chercha cette certitude, car la demander à ceux qui pouvaient la lui donner, aux amis de Maurice, à Liénard, à Charvet, elle n'en eut jamais la pensée. Tous les jours, sans repos, avec un esprit chauffé par la fièvre, une mémoire qui notait tout, des yeux sans cesse aux aguets, un cœur qui, comme une pierre de touche, éprouvait chaque parole, chaque action, même les silences, elle poursuivit son but. Un mot qu'elle lut dans un article de son mari lui fit penser que celle qu'il aimait était peut-être une chanteuse dont il avait parlé avec éloge. Elle pesa et scruta toutes les phrases de cet article. Jusqu'à trois fois, elle alla voir cette chanteuse et pendant tout le spectacle, elle chercha dans Maurice quelque chose qui le trahit. Au bout d'un mois d'angoisse et de ruse, elle vit qu'elle s'était trompée. À la fin du dîner qu'elle donnait toujours chaque mardi, car Maurice devenait de plus en plus hospitalier, elle avait coutume de passer dans sa chambre afin de laisser ses convives plus à leur aise. Un soir, elle se plaça sur le balcon, car, par les fenêtres ouvertes, les voix montaient du salon jusqu'à elle, et elle pensa qu'elle entendrait peut-être quelques mots qui seraient un indice. Elle n'entendit qu'une histoire fort drôle qui la fit sauver honteuse. Le hasard vint à son aide. Dans un vêtement de Maurice, elle trouva une lettre oubliée. « Je reste à dîner chez Hélène, viens m'y chercher, tu verras que tu ne dois pas être jaloux. » Enfin, c'était là cette preuve si longtemps poursuivie. Mais comme tous ceux qui n'ont cherché que pour ne pas trouver, elle commença par refuser de croire à l'évidence. Puis, quand son corps se fut de force ouvert à la vérité, elle se sentit plus malheureuse qu'elle n'avait jamais été, et finalement aussi désolée qu'embarrassée de son triste triomphe. Qu'allait-elle faire? Le moment où Maurice devait rentrer la surprit bientôt pleine d'angoisse et d'irrésolution. Lorsqu'elle entendit son pas, elle posa la lettre au milieu de la table. Il était de bonne humeur et fredonnait un motif d'Imogène. Dès qu'il entra, ses yeux furent attirés sur la lettre qui, par la blancheur du papier, tranchait sur le brin de la table. « Qu'est-ce donc que ça ? » dit-il. Il alla à la table, vit la lettre, regarda Armande, comprit tout. « Ça ? » dit-il, marchant vers elle et agitant la lettre dans ses mains crispées. « C'est la lettre d'une femme qui ne me harcèle point par la jalousie, qui m'aime, que j'aime et qui me rend heureux. » Elle marcha vers la porte comme pour fuir ses paroles, mais elle avait fait à peine quelques pas qu'elle tournoya sur elle-même, poussa un cri et tomba roide. Au violent coup de sonnette de Maurice, Marie-Ange entra effrayée. « Vous avez tué, madame !» s'écria celle-ci en le repoussant. Ils la portèrent sur son lit. Elle était blanche comme les draps. Son cœur ne battait plus, sa poitrine était immobile, ses membres étaient froids, elle paraissait morte. Maurice essaya de la réchauffer, pendant que Marie-Ange, la tête perdue, courait par la maison et voulait essayer les remèdes les plus baroques. La crise ne se prolongea point longtemps avec cette intensité. Bientôt le sang parut circuler dans les veines de la gorge. La poitrine se souleva doucement, la physionomie se ranima, les mains s'agitèrent, les yeux se rouvrirent. « Victorine !» dit-elle faiblement en regardant autour d'elle. Il sortit pour aller chercher l'enfant qui jouait dans le jardin. En passant par le salon, il aperçut le billet de Lina qui était resté à terre, il le ramassa et machinalement le relut. Aussitôt, sans aller chercher l'enfant comme il en avait eu l'intention, il rentra. Armande était assise sur son lit. « Victorine, » dit-elle, « tout à l'heure, écoute-moi avant. »« Ma fille, » dit-elle encore. Il fit signe à Marie-Ange de sortir. « Veux-tu m'écouter ? » dit-il d'une voix douce. Elle n'avait point levé les yeux sur lui. À ces mots, elle le regarda. « Pardonne-moi ma colère, » dit-il. « En voyant que tu me tendais un piège, je me suis laissé emporter. Je n'ai point de maîtresse. La lettre, la lettre !» La lettre m'a été écrite avant la maladie de Victorine. « Vois plutôt !» Il lui mit la lettre sous les yeux. « Il n'y a pas de date, » dit Armande. « C'est vrai, mais le papier, par sa couleur et son usure, prouve bien ce que je t'affirme. » Il lui montra les plis du papier qui étaient usés et troués. « Est-ce possible ? » dit-elle, aspirant ses paroles, qui, comme une douce pluie, tombait sur son cœur. Il ne répondit qu'en la prenant dans ses bras. comme j'ai souffert, dit-elle, et comme je t'ai fait souffrir. » Pour son malheur, et plus encore pour le malheur de ceux qui l'entouraient, Maurice était atteint de cette maladie morale qu'on peut appeler le repentir chronique. Sous le coup direct d'une douleur qu'il avait causée ou d'une faute dont il voyait et ressentait les résultats, il n'avait point assez de regrets. Il était prodigue de remords et de promesses. Mais ses larmes le lavaient vite. Sa conscience, déchargée par la confession qu'elle s'était faite à elle-même, se donnait l'absolution à pur et à plein. Ses remords, tout en surface, n'avaient ni profondeur, ni durée. Il n'était sévère pour lui qu'en épithète. Les yeux de sa femme séchés, il ne pensa plus qu'ils avaient pleuré. Qu'il fût resté auprès d'elle, elle eût peut-être cru à l'explication de la lettre. Il revint à ses habitudes, elle revint à ses soupçons. Lorsqu'il ne devait point rentrer, ce qui arrivait souvent, il avait l'habitude de la prévenir par quelques mots. Il les écrivait le plus souvent chez Lina, et Madame Amédée, pour garder le prix de la course d'un commissionnaire qu'on lui remettait, les envoyait porter par son fils. C'était un moyen qui était économique, mais qui était encore plus aventureux, Melchior n'étant point le plus soigneux et le plus intègre des commissionnaires. Sa mère, il est vrai, lui accordait toutes les qualités, de même qu'elle le proclamait fils d'un prince brésilien. Mais filiation et qualité étaient un peu surfaites. Légalement, ou plutôt illégalement, Melchior était, autant qu'il est permis d'affirmer quelque chose à ce sujet, le fils d'un homme dont la profession la plus avouable était de se faire enrôler pendant le carnaval pour revêtir un casque en carton doré surmonté d'un plumet de 5 pieds de haut, un caleçon de velours, un maillot de lutteur et des bottes à l'écuyère, pour se peindre la figure des couleurs les plus atroces, pour se charger la poitrine des décorations les plus grotesques, et ainsi affublé, pour donner, moyennant 3 francs par nuit, l'entrain, la vie, la gaieté et les bonnes manières dans les bals masqués. Moralement, Melchior était le digne fils de son père. L'éducation de son premier âge, il l'avait reçue dans les cuisines. Celle du second âge, il était en train de l'acquérir au paradis des théâtres, à la 7e chambre du palais de justice et à la cour d'assises. Sa mère avait voulu faire de lui un groom, mais il avait, dès sa première sortie, vendu sa livrée. Lina le souffrait chez elle, un peu par indifférence et aussi parce qu'il l'amusait en lui faisant des tours d'escamotage qu'on pratique sur la place de la Bastille, en répétant les dislocations des clowns du cirque, en imitant les comédiens populaires des petits théâtres dont il retenait au vif les tics et les intonations, et en lui racontant les exécutions de la place de la Roquette qu'il suivait assidûment. Armande reçut 2 fois par lui des lettres de Maurice sans y prendre garde. La 3e, son attention fut éveillée. C'était précisément le lendemain du jour où avait eu lieu l'explication du billet non daté. Il lui sembla que le hasard ne devait point créer seul cette continuité. Elle fut prise d'une envie folle de lui demander qui il était, de chez qui il venait. C'était un enfant, il parlerait facilement et dirait ce qu'il savait. « Qui vous a remis cette lettre ?» lui demanda-t-elle doucement. « Vous voyez bien, c'est votre mari. Et où cela ? Chez sa mère. » Elle eut un éblouissement. La mère de cet avorton. Où Maurice était-il donc tombé ? C'était impossible. « Où demeure votre mère ? » « Dis donc, madame, s'il a une réponse, je la porterai, mais assez causée gratis, merci. Vous voulez me tirer les vers du nez ?» Comme il vit qu'Armande se taisait, confuse, il lui lança un regard à la fois insolent et fin, et d'une voix câline. « Faut-il aller changer la monnaie ?» Elle comprit. « Attendez, » dit-elle. Elle sortit pour aller chercher de l'argent. Mais elle avait à peine fait quelques pas que le dégoût la prit. En même temps, un cri de Victorine, restée seule avec Melchior, la rappela. « Que faites-vous donc ? » s'écria-t-elle en rentrant brusquement. « C'était pour l'amuser. Je lui montrais le tour de la chandelle, autrement dit la lanterne humaine. » Disant cela, il prit la bougie sur la table et se la fourra tout allumée dans la bouche. Victorine se mit à crier. « Allez-vous-en ! » dit Armande. « Et la monnaie ? » dit-il en tendant sa main après l'avoir essuyée au fond de son pantalon. Elle lui montra la porte. « Si ce n'est pas pour le secret, pour le tour au moins. Non, excusez. » Il sortit, traînant la jambe et faisant le geste de remettre son soulier qu'il perdait, comme le fouinard du courrier de Lyon, son héros bien-aimé.